À l'occasion du 72e anniversaire de la libération de la Corée, Madame Chung Il-sim, femme du héros de la République Han Dong-soo, a déposé le 14 une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu pour leur rendre hommage.